Ça me fait un petit peu penser au langage utilisé dans les horoscopes. La duplication d'une région du chromosome 16 est associée à la maigreur extrême. Être associé à quelque chose, en fait, quand on lit un article comme ça, on se dit, bon, bah, ça veut dire que c'est la cause, alors que ça peut être associé de plein de façons différentes, et ça peut être une cause très minime, comme on voit en dessous 1% des obésités sévères, et que, en fait, cet article est particulièrement flou, et en fait, soit on utilise des formules très floues type horoscope, soit on utilise des formules donc explicitement fausses, comme le premier, donc un nouveau gène faiseur d'hormones qui rend obèse. Donc là, on fait comme si l'étude scientifique montrait que il y aurait un gène qui produirait une certaine hormone qui nécessairement, qui fatalement rendrait obèse. Le langage en fait utilisé pour parler de la causalité génétique est soit très flou, soit très catégorique et à ce moment-là scientifiquement faux en fait. Pour expliquer, il vaudrait mieux dire et corrélé. Voilà, et souvent on a des corrélations statistiques et en fait les relations de causalité sont difficiles à établir. Et autre chose que je voulais dire là-dessus, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas dans ces articles. Il y a aussi... 1 milliard d'études scientifiques ont montré que mal s'alimenter rendait gros et que c'était dangereux pour la santé. Et ce qu'on voit pas non plus, c'est que malgré le fait que les politiques nous parlent de plus en plus du fait qu'il faut bien s'alimenter, manger, bouger, des fruits et légumes 5 par jour, on continue à permettre l'ouverture de McDonald's à côté des collèges, ce genre de choses. Et que, en fait, il me semble qu'il faut être aussi attentif à, ce chromosome 16 peut expliquer 1% des obésités, quid des 99% les autres, quoi.